Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Tout d'abord, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2023, avec bienveillance. Bienveillance, quel est ce mot ? C'est ce que nous allons découvrir lors de cette soirée grâce à des débats qui vont éclairer sur ce mot devenu commun et pourtant si confus. Pour la partie musicale, nous recevons Sylvie Leguet, chanteuse vosgienne, qui va nous interpréter ses compositions. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes présents ce soir. Nous vous souhaitons une bonne soirée en notre compagnie. Tout d'abord, la bienveillance est-elle plus que la simple gentillesse? Devrait-on davantage développer cette qualité pour injecter plus de douceur, de respect et d'indulgence dans nos vies? Et si la bienveillance était la clé qu'il nous faut en 2023 pour des relations plus vraies avec les autres et avec soi? Je vous invite à écouter la définition que nous en donne Christophe André, psychiatre et psychothérapeute. La bienveillance, c'est la capacité à voir ce qu'il y a de bon chez les humains, chez nos semblables. Elle est d'abord un regard, c'est cette qualité de regard qui fait qu'on s'attache à voir les qualités, les bons côtés des personnes que l'on croise, et pas seulement leurs défauts. On peut continuer de voir leurs défauts, mais si on est capable aussi de voir leurs bons côtés, tout ça est mieux équilibré. La bienveillance, c'est aussi une façon de se comporter, marquée par l'écoute, le respect, la gentillesse. Donc, ce regard et cette manière d'être composent ce qu'on appelle la bienveillance. Alors, il y a plusieurs stades de difficulté dans la bienveillance. Il y a les formes de bienveillance les plus faciles, entre guillemets, parce que parfois nous ne prenons même pas la peine de les appliquer. C'est la bienveillance envers les personnes qui nous sont proches ou qui nous ressemblent, qui sont dans la même état d'esprit que nous. Après, il y a une forme de bienveillance un peu plus difficile, c'est la bienveillance malgré les différences, malgré les petits agacements, malgré les points de vue qui divergent. Rester tout de même bienveillant, rester à l'écoute, rester ouvert à ce que peut nous dire l'autre ou à ce qu'il peut représenter. Et puis, il y a le degré ultime, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler la bienveillance inconditionnelle, où là, on est capable d'être bienveillant, même avec les gens exaspérants, même avec des gens qui paraîtraient ne pas mériter notre bienveillance. Et là, la bienveillance n'a pas à être une soumission, une acceptation de ce qu'ils sont, mais elle nous aide à rester dans la non-agression, le désir de ne pas agresser, de ne pas riposter, simplement d'être présent et ouvert et à l'écoute, ce qui souvent infléchit le comportement des personnes en face de nous. Mais si on n'arrive pas à la bienveillance inconditionnelle, on peut en rester aux deux premières approches de la bienveillance, c'est déjà extrêmement bien. Et puis, il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est aussi l'auto-bienveillance, qui n'est pas du narcissisme, qui n'est pas de l'auto-complaisance, mais qui est cette relation amicale à soi-même qui fait qu'on décide de ne pas s'agresser, de ne pas se faire du mal quand on est en difficulté, mais au contraire, d'avoir un rapport bienveillant envers ce que nous sommes, même dans l'échec ou même dans l'adversité. Merci à Christophe André pour cette explication claire et précise. Et maintenant, nous allons avoir la joie d'entendre Sylvie Leguet dans une de ses compositions. À toi, Sylvie. Alors, cette première chanson, elle s'appelle Résilience. Et je disais donc que ça va très bien avec le débat du jour. Toi qui m'as appris à ne pas dire, ne pas crier, ne pas pleurer, ne pas te venger. trahison, le dissoudre, l'entendre battre comme un fou pour ne pas mourir. Chercher en vain à m'enfuir de ce coffre fracturé. L'indifférence, ne pas mourir, ne pas mourir. Silence. Si tu savais, toi qui m'as aimé, comme je suis fatigué de trop de s'avaler, de tant de tout va bien. Ne pas mourir, ne pas mourir, ne pas mourir. Me déformer, me retrouver, me reconstruire, avancer, m'écouter. Me découvrir, me laisser naître et revivre. Résilience. Étymologiquement parlant, benevolentia ou bona vigilantia, certains se réfèrent au latin benevolentia qui signifie disposition favorable à l'égard d'autrui et a donné par ailleurs le mot bénévole. Il y a de la générosité, de l'engagement et du volontariat dans la bienveillance. Du côté des linguistes qui attribuent à bona vigilantia l'origine du terme ici, on est dans le champ lexical de l'attention, de la précaution, de la confiance, voire du soin. Et bienveillant celui ou celle, ou celle ou celui, qui veille sur les autres, s'assure qu'ils vont bien et ou agit de la façon à ce qu'ils aillent bien. Nous allons donc démarrer le débat sur la condescendance. Je demanderai donc aux trois personnes qui se sont proposées de venir s'asseoir autour de la table ronde, Bernard, Félicie et Evelyne. Donc la condescendance, certains reprochent à cette bienveillance altruiste d'être condescendante, l'interprétant comme de la charité envers une personne vue comme inférieure. Alors, je laisserai démarrer la personne qui veut déjà dire ce qu'elle en pense. Félicie, à toi. Je pense que quand tu parles d'infériorité, qu'on peut être bienveillant en une personne infériorité, on ne voit pas forcément cette infériorité. Dans la religion, des fois, on dit que Dieu nous humilie pour mieux nous élever. Donc, je pense que dans la bienveillance, il y a un peu de ça, on voit une personne plus faible ou plus triste ou plus malveillante, une personne qui peut être malveillante aussi, et on va l'aider à sortir de là, à s'élever. La bienveillance pour moi c'est une élévation. Qui veut rebondir? La bienveillance, ça m'interroge sur ma place. sur la place que je, où je me place par rapport à la bienveillance. Parce que dans la société nous donne une place à partir de notre sexe, de notre travail, d'où on vient, nos origines, etc. Elle nous donne une place dans la société avec souvent des classements, plus ou moins, quoi. Et par rapport à la bienveillance, si on garde, si on, on observe la bienveillance par rapport à cette place que nous donne la société, il me semble qu'on n'arrive pas à exercer cette bienveillance. Parce que, logiquement, par rapport à la société comme elle nous conforme, logiquement, on place des gens au-dessus de nous ou en dessous de nous. Donc on doit faire un chemin par rapport à cela, c'est-à-dire comme un décalage pour se placer face à la personne, simplement face à la personne, quoi. En quelque sorte, enlever tous les masques. Voilà, pour cette condescendance, sinon on tombe dans la condescendance forcément. Voilà, d'accord. Donc sans les masques, on peut arriver à une bienveillance qui n'est pas condescendante, qui n'est pas avec des niveaux, regard, quoi. Des niveaux pré-réglés par la société. Donc, par rapport à ça, ce serait de la condescendance quand on reste dans le schéma sociétal de inférieur, supérieur, supérieur, inférieur. Ben oui. Bernard, veux-tu en dire ? Non, moi, j'ai pas travaillé le sujet avant, mais comme tu nous l'as imposé, j'ai un peu réfléchi. J'aime la franchise. T'as réfléchi là tout de suite. Voilà. Alors, j'ai réfléchi un peu et je me disais finalement comment s'est construit ce mot. Alors tu nous as dit un peu les différentes possibilités. Mais je crois qu'on a tous des biais cognitifs et c'est marrant parce que je voulais rebondir. Tout de suite quand j'ai vu le mot bienveillance, que j'utilise jamais en réalité, voilà. Et je me suis dit c'est bien, d'abord bien, et puis veiller c'est veiller, sûr. Et veiller c'est veiller le mort, c'est veiller le malade, c'est veiller le bébé. Donc c'est veiller les gens en situation de difficulté, c'est-à-dire... Ouais. Des gens inférieurs. Je pense que c'est le biais cognitif religieux qui nous met dans cette situation. Et donc, voilà, à travers la vie que j'ai vécue, à travers des systèmes coloniaux que j'ai pu approcher, la bienveillance, c'est toujours l'approche du fort par rapport au plus faible, du géant, etc. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse déchristianiser. Je vais jusque-là. Et puis, le mot bienveillance. Pour le rendre laïque en réalité. Voilà. Et là, je pense qu'on peut rétablir un certain équilibre dans le regard qu'on a de l'autre. Il peut dire des conneries, des choses qui ne nous agréent pas, mais il faut toujours laisser les gens s'exprimer, etc. Enfin, voilà. Donc, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Bernard, ça rejoint ce qu'a dit Evelyne, c'est-à-dire qu'on doit, quand tu parles de déchristianiser, on doit déprogrammer en quelque sorte les rôles et les masques dans lesquels on est pour arriver à une bienveillance qui soit réelle. Ouais. Félicie. Mais à partir, la bienveillance est-elle condescendante ? Non, parce que si elle est sincère, elle ne peut pas être hypocrite. C'est les opposés, la sincérité, l'hypocrisie. Donc quand on est bienveillant envers quelqu'un, si c'est sincère, ça ne peut pas être hypocrite, forcément. Oui, mais là, le sujet, c'est de demander, est-ce qu'on est bienveillant parce qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un d'inférieur en face de nous ? Oui, je pense que, ça pose la bienveillance, elle doit, c'est pour tout le monde, je veux dire, même ceux qui sont au-dessus de nous, dans la société, je veux dire. Non, c'est, ça, c'est... Parce que là, si c'est juste les personnes qui ont besoin, évidemment, si tu es sincère, si tu es généreux, tu vas apporter cela. Mais comment être bienveillant, comme il explique Christophe André, à des gens qui ont des idées complètement différentes, des idées très différentes. Alors, comment on se place ? Alors, c'est l'idée du regard, voilà. C'est vrai que, par le théâtre, j'ai compris ce qu'était le regard, quoi. C'est-à-dire regarder vraiment une personne comme elle est, sans jugement. Alors là, on ne tombe pas dans la condescendance. Mais c'est très difficile, c'est vraiment décider ça par soi-même et expérimenter ça. Mais je pense qu'il faut déjà avoir une force en soi, une connaissance, Je ne sais pas si l'éducation peut aider à cela, évidemment, oui. On peut aider à la gentillesse. Ah, je pense que l'éducation... Mais vraiment, aller au fond de cette bienveillance, je pense que c'est vraiment un chemin de vie. Hein. Oui. C'est très long. Ça dépend, ça peut être assez inné aussi, ou descendant de l'éducation. Je pense qu'il y a des personnes qui ont le contact facile, qui sont sociables, qui vont peut-être... justement qui sont moins fragiles que d'autres qui... Ça, c'est, on rentre dans un autre débat. Ouais. Par rapport à ça, ce que je retiendrai de ce que vous avez débattu là, c'est quand même qu'il y a toute une question à se poser entre ce qui nous est transmis dans, on va dire, une société et ce qu'on peut en faire en se déprogrammant. C'est un peu ça que tu as dit, Bernard. C'est un peu ça, mais ça veut dire aussi que la bienveillance n'exclut pas la différence, elle exclut le jugement, ça j'en suis persuadé. On n'a pas des idées supérieures aux autres, etc., mais on peut avoir des idées différentes. Et il y a un moment donné où, même dans le cadre de cette bienveillance-là, il faut qu'on dise nos désaccords, nos oppositions. Et respecter l'autre, c'est ne pas forcément être d'accord avec lui et de lui signifier. Oui, comme tu l'as fait au départ d'ailleurs. Exactement. Voilà, tu vois, que tu avais été désigné volontaire. Voilà. C'est cela. Ben, on vous remercie beaucoup pour ces désignés volontaires. Et puis, ben, on va passer la parole au deuxième sujet. On va arriver au deuxième sujet qui est intrusif. Donc, il est Sylvie Leguet, Sylvie Croze et René-Lise. Voilà. Donc, le sujet étant intrusif, la bienveillance, notre grief reproché à la bienveillance altruiste est qu'elle serait intrusive. C'est « je sais mieux que vous ce qui vous convient et je vous l'impose ». Alors, pour ce morceau-là, j'aime lire un texte qui est un texte de Chuang Tzu, qui était un sage penseur du 4e siècle avant Jésus-Christ chinois, et qui parlait de la sagesse du Tao. Et j'aime beaucoup, dans ce sujet qu'on va poser, est-ce que c'est intrusif, la bienveillance, j'aime beaucoup ce passage. « Les pattes du canard sont courtes, tu ne peux les allonger sans les faire souffrir. Les pattes de la grue sont longues, tu ne peux les raccourcir sans lui causer une grande douleur. Ce qui est long n'a pas besoin d'être amputé, ce qui est court n'a pas besoin d'être étiré. Quand tu prends conscience de cela, tu peux laisser le monde suivre son cours. Penses-tu savoir ce qui est mieux? Penses-tu que le monde devrait se plier à ta façon de penser? Toutes ces personnes bienveillantes, comme elles se font du souci. Depuis les temps les plus anciens, que de remue-ménage les bienfaiteurs de l'humanité ont-ils engendré ? Donc, est-ce qu'on est intrusif ? Ça, c'est la grande question. Parce que, est-ce qu'on veut imposer quelque chose en étant bienveillant ? Et c'est ça qu'on dit, ben, c'est une manière de rentrer les gens dans ce qu'on voudrait qu'ils pensent. Qui veut démarrer ? Je veux bien commencer parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir par rapport à ma façon d'être en relation avec les autres. Et je pense que pendant longtemps, le triangle de Cartman, c'est un principe de relation entre les gens qui parlent de victimes, qui parlent de sauveurs et qui parlent de méchants, en fait, en gros. Hein. Et je me suis rendu compte que pendant longtemps, sous prétexte de bienveillance, j'étais intrusive. Ça veut dire que je n'attendais pas que l'autre me dise « je suis d'accord pour que tu m'aides ». Et je partais du principe qu'en fait, là où je voulais l'emmener, c'était bien pour lui. Et j'ai été intrusive et ça a été très agressif. Il y a des retours de manivelle comme ça que je ne comprenais pas. Et je crois que depuis qu'effectivement j'ai fait ce retour un peu de compréhension, et entre autres que j'ai réfléchi à ce principe du sauveur qui veut sauver l'autre et qui en fait le transforme en victime, je me suis bien rendu compte qu'effectivement on peut être très intrusif sous prétexte de bienveillance. Parce que la bienveillance, on va se faire une image de ce que l'autre, comment il devrait être, de ce qui est bon pour lui, etc. Alors on va rentrer dans sa vie. Et pour moi, aujourd'hui, avec ce recul-là, la bienveillance, elle est d'abord être sûre que l'autre est d'accord pour que je l'accompagne sur un bout de chemin. Oui. Et puis surtout ne pas partir du principe que là où j'aimerais qu'il soit ou là où je pense que c'est bon pour lui, c'est la vérité. L'important, c'est sa vérité à lui. Mmh. C'est ça qui est important. Qui voudrait rebondir? Voilà. Bon, je vais essayer de rebondir. Ça résonne un petit peu par rapport à peut-être des expériences aussi de croire, d'avoir l'illusion, de penser que je sais mieux. Enfin, je sais mieux. Que je pense avoir la réponse pour l'autre dans des situations diverses et variées au cours de ma vie. Et je me suis aperçue que c'est une grande erreur et de toute façon, vouloir, voilà, ça ne marche pas. Et le côté intrusif, parce que du coup, c'est se permettre aussi de s'immiscer sans vraiment prendre en considération peut-être l'état ou la situation de la personne et de trop faire un amalgame peut-être. Enfin, ça, je parle pour mon expérience avec... quelque chose que je pense qui pourrait être bien pour lui ou pour l'autre. Uh-huh. C'est pas, j'ai un peu du mal à être clair. Oui, Grenelis, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, j'ai été prise en otage. Ah, bon, merci. Donc, Bernard et Grenelis ont été prises en otage. Merci. Voilà. Alors, alors, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais bon, avec du bon côté. D'accord, alors, merci. La bienveillance, c'est un sentiment... je ne sais pas qui, de personne à personne, me plaît assez. Je veux bien faire des efforts pour être bienveillante. La bienveillance à l'échelle collective, telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve assez hypocrite. Je m'explique. Le mot bienveillance, les bienveillants, ils sont perçus comme des bienfaisants, souvent. Mm-hmm. Et ça s'oppose, la bienveillance et la gentillesse. On oppose ça en ce moment, aujourd'hui, à la colère. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intrusif? Il y a les bienveillants et il y a les colériques. Il y a les bienfaisants et il y a les malfaiteurs. On est dans un contexte, je trouve, politique en ce moment, où on... Moi, je le ressens comme ça, hein. On catégorise les gens. Donc, il y a les bienveillants, ceux qui acceptent d'être bienveillants, c'est-à-dire résilient. Sylvie, ta chanson, elle l'a parfaitement bien montré, ça. Et en face... Excuse-moi, je te cherchais à côté de moi. Et en face des bienveillants, il y a peut-être les malveillants, les colériques. D'accord, mais en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est intrusif, tout ça? Eh bien, c'est la bienveillance qui est intrusive, je trouve, en ce moment. C'est, je la trouve particulièrement intrusive depuis qu'elle est appliquée au monde du travail. Là, c'est intéressant. Vas-y. Alors, hier soir, je suis tombée, je t'ai envoyé sur une petite vidéo rigolote d'un type qui donne des leçons de management sous forme de brève. Uh-huh. Et c'était assez rigolo. J'ai noté les propos parce que j'ai noté sa conclusion. Je l'ai noté parce que je ne serais pas capable de la retenir par cœur. Donc, il concluait que dans le travail, c'est l'exigence qui compte quand même. Pour la rentabilité de la boîte. Hein. Donc, l'exigence bienveillante, l'exigence peut être bienveillante, doit être bienveillante, parce que l'exigence bienveillante permet la mise en place de structures de croissance rassurantes et stimulantes, et même épanouissantes, pour permettre à nos équipes de grandir. Voilà. Moi, non, c'est magnifique. Ça m'a fait hurler de rire. Voilà. Donc c'est une leçon de bienveillance donnée par les managers. Je rejette totalement la bienveillance sous ces formes-là. Je suis tout à fait d'accord au point de vue intrusif. Voilà. L'entreprise, à l'heure actuelle, a réquisitionné ce mot pour arriver de manière intrusive dans la vie des gens, pour en fait les manipuler. Oui. Sur le sujet des récentes crises sanitaires, par exemple, on a bien vu ce que c'était que la bienveillance et à quel point elle était intrusive. Quand on nous dit « veillez au bien-être de vos proches fragiles, les personnes âgées, les enfants hein, », et donc soyez bienveillants avec eux et pour leur faire du bien, faites-vous du mal, faites-leur du mal. Voilà, oui, accepter de les masquer, de les confiner, de les, enfermer chez eux, voilà, etc. Bon, on ne va pas entrer sur le sujet. Non, mais c'est intéressant, quelqu'un veut rebondir là. Mais je veux dire que cette forme de bienveillance-là, on nous l'a dit tous les jours. Hein. Voilà, pour préserver votre retraite, on va vous allonger la durée de travail. C'est pour votre bien. Ouais, c'est pour protéger votre retraite qu'un jour on va supprimer complètement. C'est intrusif. Voilà, donc c'est totalement intrusif. Ouais. Et cette forme de bienveillance, moi, franchement, je la rejette violemment. D'accord. Sylvie va rebondir. Non, ce que ça me fait juste penser, c'est que je ne suis pas du tout habituée à des débats et des fois, ça fait beaucoup de mots. Et pour moi, je me suis dit, tiens, c'est juste un mot bienveillant. Bon, voilà, c'est un mot. Mais en même temps, ce que ça me fait penser, c'est que c'est un éveil de conscience et c'est aussi sur un état de présence. Et des fois, il n'y a pas besoin de mots, justement, pour être bienveillant. Ça peut être par des actes, par des attitudes. Et je suis quelqu'un qui ne suis pas trop normalement dans des discussions comme ça, mais bon, je dépasse ma zone de confort puisque je suis là. Et il me semble que oui, c'est, je sais plus, j'avais noté des choses, mais j'ai laissé mon papier. Il y a une histoire d'éveil de conscience aussi. Et le peu que j'ai lu hier soir, l'étymologie et tout ça, c'est aussi au fil des années, entre le 15e, 16e, 17e, 18e, il y a une évolution incroyable, effectivement, entre le monde du travail et tout. Mais après, oui, alors, la thématique, c'est l'intrusion. Oui, mais l'intrusion, c'est effectivement... Et bien, l'intrusion, c'est peut-être se mêler de ce qui ne se regarde pas, parce que qui on est pour pouvoir prétendre, des fois, à vouloir savoir ce qui convient le mieux à l'autre. Mais oui, c'est ça. Et c'est peut-être simplement en observant, des fois, pour moi, il y a aussi beaucoup le mot humilité qui revient, qui arrive, et beaucoup d'humilité. Et ça m'interroge, ça m'a soulevé quand même beaucoup de questionnements pour l'avenir, mon comportement vis-à-vis d'autrui, différentes choses. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Sylvie, veux-tu rebondir? Oui, moi, je veux bien essayer de faire le lien entre ce que tu dis et ce que j'ai dit au début. Hein. Je pense qu'effectivement, comme souvent, il y a des principes comme ça qui sont récupérés et qu'on va utiliser. Et qu'on va utiliser dans le monde du travail, partout, en fait. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser, encore une fois, pour être très intrusif dans la vie des gens. Moi, je suis une ancienne éducatrice spécialisée. On nous a parlé de bientraitance et de maltraitance. Mais en entrant dans notre façon de travailler sans aller la réfléchir, sans essayer de comprendre pourquoi il y avait des difficultés. Et je pense qu'effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Sous prétexte de bienveillance, on est dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on est dans un rapport de pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui décident ce qui est bienveillant pour nous rentrent dans notre histoire et décident de ce qui est bienveillant pour nous. Et là, effectivement, la bienveillance, elle est plus qu'intrusive. Moi, je pense qu'elle est irrespectueuse et elle est destructrice. Elle est violente. Donc, juste simplement, effectivement, à des moments donnés, la bienveillance, tu parles d'humilité. Ben pour moi, la bienveillance aujourd'hui, c'est d'avoir l'humilité de ne pas attendre d'avoir des résultats pour pouvoir être là à côté de quelqu'un et l'accompagner s'il en a besoin, tout simplement. Il y a Félicie qui avait quelque chose d'important apparemment à dire. Moi, c'est personnel, mais on essayait de me marier. Ah oui, ben là, je pense qu'effectivement, c'est personnel. C'était bon pour moi. Oui. Et j'ai lutté pendant des années. Ah oui, t'as bien fait, oui. Oui, merci. Ouais, c'est bon. Merci pour cet aparté, Félicie. Mais c'est carrément intrusif. Quoi. Oui, c'est intrusif. Et ça peut rebondir sur d'autres sujets mondiaux, effectivement, où il y a, dans ces actes soi-disant de bienveillance, entre autres des mariages forcés. Et ça fait partie des sujets, effectivement, où c'est intrusif et ce n'est pas bienveillant. Je vous remercie beaucoup. Sylvie va rajouter quelque chose. Oui, non, mais c'est une petite idée qui m'est venue pour faire le lien avec le débat précédent sur la condescendance. Comme on est tous en chemin pour travailler des choses, n'est-ce pas? C'est un petit peu la connerie de notre descendance aussi qu'on doit. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Christina qui a une chose à dire. En fait, il y a Fran Lepage qui parle beaucoup du langage qu'aujourd'hui il est manipulé, qu'on travaille, on, surtout dans les mots politiques, on prend des mots qui à la base sont positifs pour nous manipuler à tous les coups. Merci beaucoup Christina pour cet aparté. Et maintenant, nous allons entendre Sylvie Le Guay nous chanter une autre chanson. Sylvie, je te laisse présenter. Ouais, c'est une chanson qui s'appelle Le Clown Blanc et qui parle aussi de bienveillance entre les autres. Enfin, vous allez voir, ça parle de résilience, de bienveillance et de comment on peut s'oublier pour les autres. Ce qui a fait un peu partie des débats jusqu'à maintenant. De bougies sur mon bureau, dame danseuse en tutu blanc, Coule, coule comme l'eau, sans t'arrêter mon cierge blanc. Deux bougies dedans la glace, quatre bougies dans la chambre. Soudain, courant d'air glace, comme les bougies te ressemblent. Les flammes dansent comme toi, dans ton habit de clown blanc. Elles peuvent même pleurer, je crois, larmes de cire, larmes de sang. Elles peuvent comme toi, mon roi, rendre triste quand elles sont gaies, ou faire rire quand plus rien ne va. C'est ce que tu faisais, je crois. De lumière au milieu de la piste et au centre un clown blanc jouant du violon, quel artiste, pour faire rêver les petits enfants. C'est bien dommage que le clown blanc, après des années sous ce projecteur, ait disparu comme le cierge blanc. Il ne m'a laissé que son cœur. Deux bougies sur mon bureau, dame danseuse en tutu blanc. Coule, coule comme l'eau, sans t'arrêter mon cierge blanc. Sur les cordes de son violon. Quelle splendide voix, franchement, merci, splendide. Merci beaucoup. Alors, le troisième sujet, trop bon, trop con, certains considèrent que la gentillesse est une forme de faiblesse. Rendre service, c'est être la bonne poire, celui dont tout le monde profite. Nous allons avoir Claire, Vincent et Swad. Pour ce sujet, trop beau, trop con, certains considèrent que la gentillesse est une forme de faiblesse. Rendre service, c'est être la bonne poire, celui dont tout le monde profite. J'aimerais juste dire la citation de Montaigne, qui est très courte, qui dit « Il faut se prêter aux autres et ne jamais se donner qu'à soi-même. » Voilà. Je vous laisse. Qui veut démarrer le débat ? D'abord, je remercie Pascal, dont la bienveillance m'a permis d'être à la place. Voilà. Merci Pascal. Mais tu n'es pas trop con ni trop bon. Mais moi, trop bon, trop con, c'est une idée que j'ai parfois, qui me revient parfois. Mais je me demande dans quelle mesure elle est. Je pense qu'on n'est jamais ni trop bon ni trop con, dans la mesure où quand on est bienveillant, c'est qu'on veut se faire plaisir à soi-même et que ça nous arrange. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de trop. Oui, c'est bien dit. Claire. Oui, moi je pense aussi que la gentillesse, bon, effectivement, c'est rendre service, faire plaisir ou aider quelqu'un. Mais inconsciemment ou consciemment, on se fait plaisir à soi aussi. Je veux dire, c'est désintéressé et pas complètement, parce qu'on en retire un bénéfice qui est gratifiant intérieurement. Moi là, je rapproche vraiment le sens du bénévolat, parce que on donne mais on reçoit. Donc non, pas trop bon, pas trop con, on le fait si on a envie. Moi, si j'ai pas envie d'être gentil, bah je me suis pas. Et qu'est-ce que va nous dire Swad à ce sujet, rebondir là-dessus? Si je rebondis, tu as dit à Claire que ça faisait quelque chose, que ça nous faisait plaisir, que c'était gratifiant. En fait, ça me fait penser que quand on fait un acte de gentillesse ou de générosité ou n'importe, qu'est-ce qui est recherché? C'est quoi l'intention en fait qu'il y a derrière? Est-ce que c'est inconditionnel? Est-ce que c'est pour juste vraiment être dans le don sans attendre quelque chose en retour? Ou est-ce qu'il y a un besoin derrière d'être reconnu Et du coup, le trop bon, trop con, ça me fait penser, des fois, avant, dans le passé, je pouvais penser que j'étais la bonne poire, parce que j'étais très gentille et que je m'attendais en fait à ce que en face les personnes me rendent la même chose et que en fait ça leur appartient pas, ça m'appartient, que moi j'avais ce besoin de reconnaissance qui n'était pas forcément toujours là. Claire qui aimerait rebondir. Oui, alors je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, on n'attend pas en retour quelque chose, on est content, enfin moi, quand j'aide ou quoi, évidemment ça me fait quelque chose à moi de positif, mais je suis content quand l'autre est content. Mm-hmm. Voilà, donc c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi, si j'ose dire. Mm-hmm. Ouais. Moi, je me demande s'il n'y a pas au fond de soi une espèce de sentiment culpabilisant qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de donner quelque chose ou d'être généreux, entre guillemets. Il y a un exemple qui va me venir de ma vie. Un jour, je me rendais en voiture à Belfort, et dans la longue rue Jean Jaurès, je vois un type qui tirait une valise. Je me suis dit, il va à la gare. Je le passe, il n'avait même pas fait de stop, mais je me suis dit, il doit aller à la gare. Alors je retourne, je ne m'arrête pas, mais je retourne et je reviens. Il allait à la gare, donc je le charge et il vient. Puis après, il me dit, bah, oui, mais je vais voir mon père qui, je ne sais pas, il va être malade, ou je ne sais pas, quelque chose d'apitoyant, voilà. Mais je n'ai pas d'argent pour le train. Allez, je savais que je me faisais avoir, mais voilà, trop bon, trop con, mais en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Une espèce de sentiment judéo-chrétien, je ne sais pas, de quand je voulais être prêtre, parce que trop bon, trop con peut-être, mais comment m'empêcher de... Et plutôt la culpabilité de voir ce bonhomme qui tirait sa valise et qui, moi, tranquille, dans ma superbe berline, mal chauffée, mais berline, néanmoins, avec quatre roues, mon Dieu. Alors, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai plusieurs cas comme ça, d'arnaques volontairement subi, mais je me dis, bien, je ne pouvais pas faire autrement d'une part, parce que j'étais trop culpabilisé de ne pas être bon. Voilà, donc je suis con dans ce cas-là. Mais voilà, mais je pense que quelque part, la bonté, le don est parti quelque part dans l'espace et fait vibrer quelques dimensions. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des fois où on peut être même conscient qu'on est en train... Mais je ne sais pas comment expliquer, parce que je ressens un peu la même chose que toi, parce que ça m'est arrivé des trucs comme ça, où je voyais bien que j'étais en train de me faire emberlificoter dans une histoire. Mais quelque part, c'est effectivement comme si on ne pouvait pas faire autrement. Puis d'un autre côté, se dire, oui, peut-être, mais peut-être pas. Puis peut-être que la raison qu'il a de me demander ça, il n'ose pas me la demander, donc il me la formule d'une manière où moi, je pourrais entendre. Donc, est-ce que je vais être intrusive de savoir si je dois lui dire « je dois te donner ou je ne dois pas te donner, attention pour si... » Non, peut-être pas, quelque part. Lâcher prise à un moment donné dans un truc comme ça, ça peut être aussi entendable, moi, je pense. Mais je veux dire, je l'ai fait pour l'image de moi. Donc, c'était pour moi. D'accord. Voilà, au fond. Moi, c'est vrai que longtemps, bon, de moins en moins maintenant, je voulais dire non et j'ai dit oui. Longtemps, bon, c'est vrai. Par un espèce de réflexe de, entre guillemets, charité chrétienne qu'on a au-dessus de notre tête, là, depuis toujours. Et puis finalement, petit à petit, ce genre de choses de culpabilité disparaît. Et en fait, quand j'ai dit oui, c'est vraiment oui maintenant, pour aider, pour être bienveillant ou bénévole. Et voilà, c'est, enfin, tout va bien pour moi. Souad. Tout ce que vous avez dit là, ça me fait penser à la limite en fait entre être bienveillant, vraiment dans la vraie bienveillance, vraie dans le sens que je comprends moi, et être trop bon, trop con. Je pense que ça se trouve dans le respect de soi en fait. À quel moment est-ce que je suis tellement bienveillant que je me respecte pas? Oui, en fait, t'es malveillante avec toi-même, quoi. Oui, voilà. En gros. Oui, c'est là qu'il faut... Si on est dans l'état d'esprit de Vincent qui dit, ben moi, j'ai besoin de le faire et je le fais parce que moi, ça me fait du bien, limite, t'es pas maltraitant avec toi quand tu fais ça. Et non, moi, c'est l'inverse. Je me serais maltraité si je ne l'avais pas fait. Et alors, je prends. Et là, on peut remonter dans les profondeurs de la philosophie. D'une part, la philosophie chrétienne, enfin, l'éducation chrétienne, évidemment. C'est bon de souffrir. Bon, non, je dis ça, j'exagère. Mais c'est un peu ça, quoi. Encore un peu de vinaigre, encore un peu. Allez, fouettez-moi encore un peu. Bref. Mais je veux dire que. Et puis, de l'autre côté, des philosophies de la dureté, genre Nietzschéenne, qui aboutit même peut-être au nazisme ou d'autres formes, où on se force à être dur de dur. Et moi, je ne pourrais pas. Là où il faudrait que je me force, c'est en étant méchant. Mais alors voilà, est-ce qu'on est trop bon, trop con? Je ne pose que des questions, je n'ai aucune réponse. Mais je dis que si on est trop bon, trop con, peut-être que ça, on est un peu hypocrite aussi, parfois, ce qui est le prochain débat auquel je ne serai pas. Voilà, bravo, merci beaucoup. Nous allons reprendre notre débat. Avec le sujet mièvre et hypocrite, le côté bisounours de la bienveillance agace de plus en plus. C'est perçu comme nunuche, mais aussi comme hypocrite. Peut-on encore dire avec sincérité les choses telles qu'elles sont ou sont ressenties? Peut-on être bienveillant tout en restant vrai? On va appeler Pascal, Claire et Mireille. Voilà donc ce fameux mièvre ou hypocrite qui veut commencer ce débat. Moi, je veux bien. Pour moi, c'est nièvre ou hypocrite, il n'y a pas lieu, parce que c'est la bienveillance, comme le dit Christophe André, c'est une histoire de regard et d'écoute. Une histoire de regard sur l'autre. Alors, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme introduction, parce que le regard sur l'autre, c'est supposé être sans jugement. Alors, on peut faire des introspections hein, pour voir combien on juge et combien on est brassé par ça. Voilà, donc déjà, le regard, alors, bienveillant ou pas, parce que souvent, on est dans le jugement, donc on ne peut pas être dans la bienveillance. Et donc, c'est une position, enfin, je dis que ça ne peut pas être hypocrite et mièvre, parce que c'est une position intérieure, la bienveillance. Oui. Quelque chose d'ouvert en nous, là, qui accueillerait l'eau dans notre propre ouverture vers l'autre pour entendre ce qu'il est. Oui, d'accord. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de jugement. Donc, mièvre et hypocrite, ce sont déjà des jugements. Voilà. Entendu, d'accord. Mais ça voudrait dire que pour que ce soit mièvre ou hypocrite, il faudrait qu'il y ait à la base un jugement. Ben oui, donc, ben oui, parce que c'est un non-sens en quelque sorte. Ben c'est un non-sens. Oui. Voilà, oui. Qui voudra rebondir sur ça? Ouais, moi peut-être un peu, parce que. Enfin, pas longtemps, mais. Pour rester vrai dans un échange avec quelqu'un, on peut rester vrai, mais c'est pas toujours facile d'être bienveillant et rester vrai. On peut être blessant quand on est vrai aussi. Donc oui. La bienveillance, elle peut être un peu, on va dire, détournée ou biaisée. Ou le papier qui emballe le bonbon. Ou pour pas blesser l'autre, mais on n'est pas vrai à ce moment-là. Ah ouais. Donc la bienveillance pourrait être un papier qui en voilà. qui emballe voilà. un truc voilà. pas franchement net, quoi. Voilà. Pascal, qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi? Le bisounours ou pas? Voilà, le bisounours. Oui. Vas-y, t'exprime-toi sur ce sujet. C'est ça qui me fait réagir, moi, bisounours, parce que je me suis senti bisounours, en fait. Je me souviens à l'époque où on a monté un groupe Colibri sur Épinal. Puis les Colibris étaient vus comme des bisounours. Alors, bisounours, c'est quoi? C'est être naïf. C'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein? Non, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Tout le monde il n'est pas bienveillant non plus, hein, donc on fait quoi avec ça? Et donc du coup on peut proposer des choses comme on faisait au Colibri ou comme on propose dans la transition là, nous tous, mais comment on se comporte avec les malveillants en face, ou en tout cas voilà, c'est une vraie problématique ça. Et puis on n'est pas dans un monde parfait, nous-mêmes nous sommes imparfaits, ce que tu disais Mireille, C'est la question du jugement, ben, nous-mêmes, on juge. Hein, donc, du coup, c'est toujours la question de savoir comment se comporter face à l'autre par rapport à là où il en est, par rapport à la façon dont il se comporte lui aussi. Donc, il y a plein de choses à apprécier. C'est pas si simple. Et par rapport à ça, moi, je pense... je me réfère à Marshall Rosenberg... la communication non violente, il faut toujours, faire appel plus à ce que raconte Dieu plutôt que ses saints, comme on dit, puisque la communication non violente, elle est un peu détournée, vue autrement que la façon dont, que selon la façon que Marshall Rosenberg, ce qu'il a enseigné, en fait, ses enseignements. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il dit, pour résumer, hein, c'est qu'il dit qu'il faut une communication cœur à cœur. Voilà. Mais on y arrive rarement, en fait. C'est très difficile. Et puis, conversation cœur à cœur, moi, je reprendrai ce qu'a dit Christophe André au départ. C'est-à-dire que la bienveillance avec les gens qui sont comme nous, avec les gens qu'on aime, avec les gens avec qui on a des liens, c'est facile, hein. C'est du beurre, hein. C'est une glissade en plein hiver sur une piste de neige, hein. C'est tranquille. Mais par contre, de la bienveillance avec les gens qui nous agacent, qui sont peut-être malveillants, là, ça rejoint ce que disait le Dalai Lama, il disait pour être bienveillant avec les gens qu'on aime, c'est bien, mais être bienveillant avec ses ennemis, là devient la problématique. Et donc, effectivement, comment ne pas tomber dans le piège d'être dans la mièvrerie ou dans l'hypocrisie quand on a en face de soi, j'ose pas employer un mot trop vulgaire, mais enfin, disons, une peau de banane... je dirais bien autre chose, mais j'ose pas. Un bip. Donc c'est vrai, comment on fait vis-à-vis de quelqu'un comme ça pour être bienveillant? Et c'est là que le débat devient intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Claire? Mireille avait envie de réagir, Mireille, sur ce que moi j'avais dit. Oui, parce que c'est beaucoup de choses tout ça. Hein. Mais je réagissais parce que quand tu parlais tout à l'heure, évidemment, je reviens au regard et à l'écoute. C'est-à-dire que c'est pas forcément que tu as dû la déblatérer sur l'autre, quoi. Enfin, moi, la bienveillance, je dis vraiment, c'est une position intérieure, c'est l'accueil de l'autre. Avec tout ce qu'il est. Alors, il y a des gens pour lesquels ça devient compliqué, quoi. Mais ce que tu disais m'a touchée parce que, évidemment, si on dans sa justesse à soi, on peut aller dire à l'autre, à des moments, on va aller blesser l'autre parce qu'on ne sait pas d'où vient l'autre, quel est son vécu et tout, un mot, ça peut faire basculer le domaine de l'autre. Et donc, tu comprends pas ça? Non, si, je comprends. Et... mais moi, c'était... Ah oui, alors peut-être. C'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on va blesser parce qu'on le connaît pas. C'est aussi qu'on voudrait dire honnêtement, vraiment, sincèrement à quelqu'un des choses, mais que... on ne les dit pas forcément sincèrement parce qu'on le connaît bien et qu'on ne veut pas le blesser. Ah oui, donc c'est ça. C'était autre chose, mais justement, c'est compliqué parce que parce qu'on veut bien faire. Voilà. On veut bien faire. Et si on est vraiment juste avec soi, ce que je voulais dire, que ce soit un étranger ou quelqu'un qu'on connaît, on peut être amené à dire une chose qui est vraie pour nous en blessant l'autre. Je suis d'accord. Et alors, quand l'autre est blessé, à un moment, ça appartient à l'autre. Oui. Mais c'est compliqué. Alors, on peut être en ouverture, mais voir. Et en même temps, c'est compliqué. Là, Pascal rebondit. Vas-y. Oui. Alors, moi, je repense au triangle de Cartman. Quand on fait, on a peur de blesser l'autre. C'est que un peu, on veut le sauver. C'est-à-dire, on veut l'empêcher de contacter sa blessure, ces blessures qui font que ça lui fait mal ce qu'on lui dit avec bienveillance. J'ai envie de dire. Justement, la définition de la bienveillance est intéressante. Le Dalai Lama disait une parole qui m'a beaucoup marquée. Il disait une maman qui est à côté de son enfant, l'enfant se lance sur la route et la maman voit une voiture arriver. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite, elle emmène l'enfant de l'autre côté du trottoir d'une manière très violente. On pourrait penser que c'est de la malveillance. Eh ben non, C'était de la bienveillance. Donc c'est justement là où je rejoins. La bienveillance n'est pas toujours automatiquement être dans le, je dirais, dans ne rien dire, mais peut-être le dire d'une manière. Et effectivement, si l'autre est blessé, il y a un moment donné où ça ne va peut-être pas être de la malveillance, ça va être son problème à lui. Voilà. Parce que sinon, qu'est-ce qui reste? Il reste le silence pour être bienveillant. J'irais même plus loin. On est même bienveillant quand on dit avec vérité des choses à l'autre, parce qu'on l'éduque, quoi. On l'éduque à... Oui, mais alors là, on n'est pas loin d'intrusif. Ça rejoint ce que racontait Vincent dans sa petite histoire du coup du train. Voilà, peut-être que c'est justement lui dire, ben non, je te donne pas l'argent, voilà, parce que je suis bienveillant avec toi, j'ai envie de dire. Ouais. Pour moi, la bienveillance, elle se nomme pas en face de l'autre, je vais être bienveillant avec toi. C'est pour ça que je dis position intérieure, parce que c'est vraiment un accueil, quoi. Et puis alors, il me vient une petite histoire pour illustrer ma bienveillance quand je suis bien, parce qu'on n'est pas toujours bienveillant, mais il y a des moments un peu de grâce comme ça. Je me rappelle, j'étais en train, routière, en train de me garer devant la poste, et il y a un monsieur qui sort de sa voiture, il dit « Mais regardez-moi ça, où vous en êtes là, vous avez vu comment vous vous garez ?» Alors je me dis « Le pauvre !» Et je lui dis « Eh bien monsieur, comment dois-je faire pour me garer correctement ?» Alors, il me dit, bah, vous savez quand même conduire, non? Vous êtes machin. Je lui dis, oui, mais visiblement, là, vous attendez quelque chose de moi, donc je veux bien faire. Alors, il s'en va à la poste, furax, quoi. Moi, je me gare le plus correctement possible. Et puis, j'allais à la poste, donc je traverse la route. Je vois le monsieur et je lui dis, est-ce que je me suis garé correctement, monsieur? Eh bien, je vous jure, il a abandonné sa colère. Parce que, alors c'est sûr, quand on parlait d'humilité tout à l'heure, ben, y a quelque chose de ça. On n'est pas en position basse, mais accueillir la colère aussi, hein, c'est un petit peu ce que tu... c'est un sacré travail quand même, en fait. C'est une sacrée disposition de tous les moments de la vie. Et waouh, donc voilà. C'est clair que la bienveillance, c'est quelque chose qui est servi actuellement à toutes les sauces. On est bien d'accord. Mais... Maintenant, là, comme on est en train de la décortiquer aujourd'hui, c'est intéressant parce que effectivement, c'est une boule à mille facettes. Et il n'y a pas rien qu'une façon. Et effectivement, comme tu dis, je ne suis pas sûre qu'on doit la nommer, mais c'est quelque chose qui se vit. Qui se vit, comme disait Claire, par rapport à, effectivement, avec les autres. Comment est-ce qu'on peut faire pour être bienveillant, mais est-ce que d'être bienveillant, c'est de dire béni oui oui à ce que dit l'autre? Vas-y. Et est-ce que c'est être bienveillant malgré l'autre, parce qu'il ne nous a rien demandé? On ne sait pas s'il nous a demandé quelque chose. Donc, Non, parce que par exemple, quand on se fait agresser. Ouais. Et puis, comment faire pour rester bienveillant? Essaie de rester, je dirais, souriant. Et puis de faire comme si de rien n'était, ce qui est complètement hypocrite. Voilà. Ou alors, est-ce que c'est de se positionner en laissant à l'autre peut-être son agressivité? Typiquement, l'histoire j'aurais de la colère. J'aurais peut-être pu lui dire, toi, tu m'emmerdes. Hein. Voilà. C'est ça. Hein. Oui. Et puis, si je me positionne en disant, toi, tu m'emmerdes, il peut être choqué. Hein, parce que il a rien à dire. Ça, c'est pour ça que je parle d'intériorité, parce qu'il y a... C'est déterminé dans la position dans laquelle tu te trouves, quoi. Et si tu es dans l'acceptation, alors c'est à des moments particuliers, mais si on arrive à voir, et quand on est tranquille à l'intérieur, parce que c'est bien quand même de la paix intérieure dont on parle, on est en capacité d'accepter l'autre, et de voir des trucs qu'on n'a jamais vus quand on est excité, quoi. Et je trouve que c'est beau, là. Là, on est bien, là. Oui, bah là, on prépare le sujet qui va passer après. Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Oui, vas-y, Pascal. Dire, c'est par rapport au « toi, tu m'emmerdes ». Donc, en fait, il y a eu... En fait, là, il y a... Il y a une façon pas adaptée de réagir. Après, on peut aussi, on est autorisé à exprimer une colère et quelque chose qui peut être vécu violemment de cette façon-là. Mais après, dans un deuxième temps, si on peut, c'est souhaitable de dire à l'autre ce qu'on ressent par rapport à la façon dont il s'est comporté, quoi. Donc c'est ça, c'est l'idée de je me sens, par exemple, je me suis pas senti respecté par rapport à ce que tu viens de me dire et avec la façon que tu as utilisé pour me le dire, quoi, en fait. C'est ça. Oui, mais là, il faut avoir une oreille qui entend. Voilà, ouais, c'est ça. Et du temps. J'ai une chose à dire. C'est pas autour de la bienveillance, sinon qu'il m'est venu une situation que j'ai faisée quand j'étais jeune. J'étais diplomatique. Et je pense que quand on parle de bienveillance, parfois on mélange les deux. On se comporte en tant que diplomate, on veut être très diplomatique à l'autre pour pas l'offendre, pour pas. Et là, c'est pas de la bienveillance. Voilà. Merci beaucoup pour l'aparté, Christine. Voilà. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous allons entendre Sylvie Levier avec une chanson. Voilà, un peu moins délicate, mais ah bon, elle parle effectivement du regard qu'on peut avoir sur l'autre, à quel point on peut détruire quelqu'un, sur le jugement de valeur, etc. Elle s'appelle Guenon Primitive. Ah ouais. C'est, elle l'a marqué, hein. Ça n'a rien à voir avec les autres. Primitif de la forêt d'en face, qui entr'ouvre tes cuisses et nous jette en pleine gueule. L'endroit qui te fait jouir et fait gagner ta croûte, qui fait rougir les femmes et fait languir les hommes. Tu leur prends leur mari, tu leur prends leur argent, tu leur supprimes même tout leur plaisir d'avant. Lui qui n'existait plus depuis le dernier enfant, mais qui par principe leur manque en ce moment. Si pour elle la vie c'est tout pour son mari, moi je dis autrement, je dis tout pour la vie. Moi je dis que j'existe, que j'ai le droit de vivre, que j'ai le droit d'aimer, de jouir et de mourir. Pourquoi ne pas aimer un inconnu qui passe? Pourquoi résister quand l'amour se lasse? Quand notre corps pu n'a plus envie de lui, pourquoi ne pas aller chercher un autre nid? Si j'avais à choisir pour les années à venir entre être une commère et vendre du plaisir, mon choix est déjà fait, c'est pour toi que je penche. Je préfère la jouissance à la connerie humaine. Toi, guenon primitif de la forêt d'en face, toi, guenon qui n'est pas si primitive que ça, qui sait, peut-être un jour je serai comme toi pour ces sorcières des rues qu'elles on ne brûle pas. Guenon primitif de la forêt d'en face, qui entr'ouvre tes cuisses et nous jette en pleine gueule. Bravo! Et maintenant, nous allons entamer un autre sujet, la bienveillance envers soi-même. Alors, j'appellerai Catherine. Et Pascal encore, et une troisième personne, Mélanie. Voilà, qui... Ah, je n'aurais pas dû désigner une volontaire, quel bonheur. Merci pour cette bienveillance, Mélanie. Bravo. Merci, bravo. Alors, on encourage bien fort. Oui, voilà, bravo. Alors, la bienveillance envers soi-même est la grande oubliée des définitions du dictionnaire. Elle est pourtant fondamentale sur un chemin d'évolution. La plupart des gens sont durs envers eux-mêmes, n'acceptent pas leurs points faibles et se veulent mieux ou différents de ce qu'ils sont. Se comparant sans cesse aux autres ou à des modèles inatteignables, ils ont une piètre estime d'eux-mêmes. La bienveillance, c'est cela aussi, arrêter de se mettre la pression, de vouloir être parfait et de se foutre la paix. Je vous laisse qui veut démarrer le débat. Catherine ? Merci pour cette proposition et merci de me permettre d'être là aujourd'hui. Merci de m'inviter à m'interroger sur cette question. Pour l'instant, je suis un peu sèche. J'avoue, bienveillance envers moi-même. J'y travaille. Ça je va? Veux bien, ça va? Pascal. Je veux bien. Allez. Bon, moi, j'ai envie de dire que la bienveillance envers soi-même, c'est déjà se poser la question comment je me sens. Voilà, dans une quelconque, enfin, quelque situation que ce soit, comment je me sens là par rapport à ce que je soit ce que par rapport à soit ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai besoin de dire, ou par rapport à ce que vient de me dire l'autre, hein, en face, ou par rapport à comment je me comporte. Si je dis oui parce que je ne sais pas dire non, par exemple, est-ce que c'est de la bienveillance avec moi? Si je suis plus diplomate que bienveillant, est-ce de la bienveillance avec moi de vouloir être diplomate avec quelqu'un qui serait par exemple malveillant, admettons? Est-ce que c'est de la bienveillance avec moi tout ça? C'est toutes ces questions quand on se retrouve dans des situations où effectivement on pense avant aux autres. Ça rejoint ce que disait Vincent tout à l'heure quand il y avait quelqu'un qui lui demandait un coup de main, un truc, un machin pour payer son train. Est-ce que on doit se mettre en mauvaise situation pour mettre quelqu'un d'autre en bonne situation? La bienveillance avec soi-même, elle intervient à ce niveau-là aussi. Mélanie? Non, Catherine? Je ne sais pas. Allez, on y va. Ben, disons que moi, en effet, par rapport à l'intervention de Pascal et la tienne, Catherine, moi, ce à quoi ça me renvoie, c'est l'écoute de ses besoins, en effet. C'est ce mouvement qui est important à opérer vers soi-même pour aller à l'écoute, en fait, de ses besoins dans l'instant et leur respect. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est connecté à ses besoins et qu'on décide de les respecter, ça nous mène vers une attitude de bienveillance envers soi qui nous permet d'exprimer notre vérité à l'instant T à l'autre, aux autres, et de ce fait leur offrir notre espace de bienveillance. Et quelle que soit la vérité à exprimer, qu'elle soit inconfortable ou pas pour l'autre. Mmh. Mais en effet, si elle est exprimée à partir de cet espace qui est respectueux de qui je suis et de mes besoins, l'autre a de fortes chances de le recevoir comme quelque chose de bienveillant. Mmh. Mélanie. Voilà. La bienveillance envers soi-même, finalement, je pense que c'est la condition indispensable pour la bienveillance envers autrui, envers les autres. Je trouve que c'est un petit peu la conclusion de toutes les tables rondes où on en vient là. Avant tout, on s'écoute. Et on met un miroir, en fait, sur ce qu'on fait ou ce qu'on dit à l'autre. Comment, moi, je le vivrais en étant à sa place. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il m'est venu une réflexion dans toutes les discussions, là, aujourd'hui. C'est que, quand on parle de la bienveillance, finalement, on parle d'un rapport d'une personne à une autre personne, d'une personne à un groupe de personnes, d'un groupe de personnes à une autre personne, bref, de rapports comme ça, assez, voilà, entre humains, uh-huh, assez intimes. Et si on changeait d'échelle, en fait. C'est ça. Et donc, la bienveillance envers soi-même, c'est changer d'échelle, où on se retourne sur soi-même, on essaye d'écouter ses besoins, comme tu l'as dit. Alors c'est là où ça pose problème, parce que c'est pas facile, hein, toujours de vraiment déchiffrer ses besoins, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Je pense que ça, c'est notre travail de toute notre vie, chacun. Et changer d'échelle, pour moi, c'est aussi la bienveillance envers le monde en général qui nous entoure, envers la terre, tous les êtres vivants. Et c'est ces deux côtés-là, c'est un peu ces deux pôles. Si je ressens un équilibre dans une action, dans un mot, la bienveillance envers le monde, envers la vie, si c'est respecté, et la bienveillance envers moi-même, finalement, la bienveillance entre les humains, ça va venir tout seul quelque part. Enfin, c'est lié. Parce qu'en fait, ce qui est surtout important, enfin, je trouve avec ce sujet de la bienveillance avec soi-même, c'est pour ça que je voulais le prendre en dernier point, c'est que c'est comme si on voulait pratiquer une discipline qu'on n'a pas appris nous-mêmes. Si on n'a pas appris à être bienveillant avec soi, comment est-ce qu'on peut arriver à être bienveillant avec les autres si on ne connaît pas la discipline, en gros, si on ne connaît pas l'essence même de la bienveillance? Donc il faut déjà arriver avec soi-même. Mais bon, être bienveillant avec soi ne veut pas dire automatiquement d'être un bisounours avec les autres. Hein. Parce que moi, j'ai un exemple personnel de la bienveillance. Je ne veux pas en parler dans les détails, mais disons, il y a un moment donné où j'ai dû mettre les pieds sur les points sur les i dans un sujet, c'était familial. Je l'ai dit avec une telle naturelle, parce que ça me venait tellement de moi, c'était mon besoin, et c'était comme si on m'avait enlevé l'air si je n'exprimais pas ce besoin, et je me suis rendu compte qu'en fait, en face, ça a été accepté. Et non pas comme une malveillance que j'aurais eue. Non, ça a été accepté parce qu'ils se sont rendus compte que pour moi, c'était vital. Voilà, vas-y Catherine. Oui, et pour moi, ça a à voir aussi avec les limites. Savoir, justement, en respectant ses besoins, en ayant appris à se reconnaître, se connaître, mieux s'aimer. C'est apprendre à poser ses limites et du coup, à les faire... voilà, à les faire reconnaître par l'extérieur en l'exprimant. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'être bienveillant, c'est pas, comme on l'a dit souvent, être bisounours et tout accepter. Et c'est vrai que poser ses limites, ça a à voir beaucoup pour moi avec l'amour de soi. Et c'est vrai que là aussi, c'est un travail que de revenir à soi pour apprendre à mieux s'accueillir, à mieux accepter et sa lumière et ses ombres, pour pouvoir être, justement, avoir cette capacité à être bienveillant avec tout ce qui nous constitue, et ainsi, par le fait que, pour moi, dans mon expérience, le monde extérieur est un reflet de mon état intérieur, plus je suis en acceptation de qui je suis, plus je suis en amour et en bienveillance vis-à-vis de moi, et plus je peux l'être avec le monde extérieur, quoi, parce que nous ne sommes pas séparés. Pascal. Ben, moi, je voulais dire que c'est bien gentil tout ça, mais, mais quand je regarde René-Lise et Bernard dans leur lutte, et quand je pense à ma lutte, je me dis... La lutte politique, on est d'accord. Quand on a en face des personnes malveillantes qui vous entendent pas, comment on fait pour être bienveillant avec soi-même? Est-ce que des fois, exprimer sa colère, c'est pas aussi être bienveillant avec soi-même? Alors, moi, je pense que la bienveillance, ça peut être aussi quelque chose qui, pour l'autre, ne va pas être automatiquement une bienveillance de prime abord, comme l'enfant qu'on bouscule qui traverse la route. Mais ben, pour reprendre le combat de René-Lise et de Bernard pour l'eau, pour les bassines, pour tout ça, je pense que dans une lutte et dans une colère, ce qui pourrait être considéré comme pas de la bienveillance, c'est de la bienveillance. Ah oui. C'est de la bienveillance qui est mise dans un contexte différent. Et je pense qu'effectivement, dans les luttes politiques qu'il y a actuellement, il y a de la bienveillance. Mais c'est pas parce que effectivement, au final, les gens se retrouvent dans la rue avec un pavé à la main qu'ils sont malveillants. Ils peuvent être bienveillants. C'est pour ça que la bienveillance, ça a différentes facettes. Mélanie, je sens que tu as quelque chose à dire. Exprimer sa colère et ses émotions, c'est de la bienveillance envers soi-même. C'est être honnête, juste et se respecter. Là où on fait, je pense que c'est encore notre culture judéo-chrétienne où on essaye d'étouffer la colère ou ce genre de choses. Mais là où ça pose le problème, c'est qu'on fait souvent la confusion entre la colère et la violence. Et c'est pas évident, mais c'est vraiment intéressant d'essayer à chaque fois de faire la limite. Oui, je peux exprimer ma colère. Non, j'ai pas le droit de te mettre une baffe. Oui, ouais, je peux exprimer ce qui... parce que la colère, si on part de base, la colère, on ne l'a jamais contre les autres. On l'a toujours contre soi d'avoir eu une illusion sur les autres. Enfin, si on traduit, moi je traduirais ça comme ça. Donc, quelquefois, quand on a une colère, eh bien, effectivement, c'est une illusion qu'on a. Alors, il est inutile d'y mettre de la violence, mais on peut dire simplement, ben voilà, moi, à ce niveau-là, j'étais dans une illusion que tu étais, je sais pas, vert avec des oreilles rouges, et il se trouve que non, tu es rouge avec des oreilles vertes. Bon, n'importe quoi, hein, mais ouais, enfin, c'est pas pareil. Mais c'est une illusion. Donc la colère, effectivement, je la reçois contre moi-même parce que moi-même, j'avais cette illusion et tout d'un coup, je vois que c'est pas ça. Et je suis en colère contre ma propre pensée, d'accord ? Et l'exprimer est important parce que l'exprimer, c'est aussi ne pas l'accumuler. Parce que si on accumule, ça fait des bombes à retardement, Catherine. Oui, ce que tu partages là, Catherine, moi, ça m'évoque aussi l'importance... justement d'avoir la capacité régulièrement à s'arrêter, à se regarder du dessus. Parce que là, si tu es capable d'agir comme tu l'as décrit, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté, tu t'es observé et tu as vu que tu t'étais bercé d'illusions à propos de la situation en question. Donc, d'où l'invitation qu'on pourrait faire, peut-être, si on veut développer cette bienveillance pour nous-mêmes et le monde, à prendre le temps de s'introspecter, de s'auto-analyser, de s'observer et de pour toujours plus d'authenticité, de vérité, parce que pour moi, c'est en lien aussi avec la bienveillance. Quoi. La bienveillance, effectivement, c'est prendre soin de soi. Oui, parce que ce que je voulais dire en complément, c'est que avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi et des autres, c'est intégré dans un processus fait partie du processus de gestion de conflits. Donc, ça veut dire que quelque part... on parlait de la colère tout à l'heure, ça peut en passer par une période de colère, quoi. Donc, et c'est se respecter, avoir de la bienveillance pour soi-même, d'entamer ce processus, de passer par ce processus, j'ai envie de dire. De s'exprimer. Oui, ouais. S'exprimer. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, à partir du moment où on s'exprime, on se respecte. C'est ça. Et après... Il y a effectivement toutes les manières de s'exprimer qui peuvent être déclinées sur, comme les conjugaisons, entre le passé, le présent, le passé conditionnel, le subjonctif, enfin j'en passe des meilleurs. Mais c'est vrai que c'est s'exprimer, et c'est peut-être comment s'exprimer. Et c'est là qu'on en vient à la bienveillance, comment s'exprimer. Je peux peut-être dire à cette personne ce qui était comme ça pour moi, mais peut-être lui dire sans être domièvre, sans être hypocrite, sans être... voilà. Peut-être lui dire bêtement que voilà, ça m'a plombé. Et peut-être toujours, et ça c'est ce que rappellent les principes de la communication non violente, toujours à partir d'un « je » et non pas à partir du, comme on dit, le « tu qui tue ». Ah, c'est ça. C'est « je suis responsable aussi de ce que je ressens, de la façon dont j'ai de vivre la situation ». Et donc voilà, je t'exprime mon ressenti, mon vécu et quelle a été ma douleur. Oui. Et maintenant, j'aimerais le dernier paragraphe dont on a parlé, qui me paraît extrêmement important. Et là, j'aimerais qu'on clôt avec ce paragraphe. La bienveillance, c'est cela aussi. Arrêter de se mettre la pression, donc de se creuser trop la tête. Hein. Suis-je, pas suis-je, suis-je pas, re-suis-je, qui suis-je, dans quelle étagère, enfin, j'en passe des meilleurs. Arrêter de se mettre la pression aussi, parce que oui, mais j'ai pas été assez bienveillant. Non, mais c'est bon, je sais pas, enfin, j'entends « nobody is perfect ». Et de vouloir être parfait, donc voilà, nobody is perfect, on est bien d'accord. Et puis, se foutre la paix. Il y a Fabrice Midal qui a écrit un fabuleux bouquin pour ça. Respirez, non, foutez-vous la paix. Voilà, foutez-vous la paix. Et je trouve que c'est vrai que la bienveillance avec toi, avec soi, c'est aussi se foutre la paix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai juste un petit flash là, d'un ouvrage aussi de Christophe André qui est pas mal dans la lignée de Midal, qui est le libre, imparfait et heureux, qui peut aider aussi à se lâcher les basques. C'est ça. Moi, j'y travaille. Hein. Je n'ai pas vraiment de réponse encore. Moi non plus. J'y travaille. Voilà, moi aussi. Ça fait partie de mon livre de chevet. Voilà, Mélanie. Non. Se foutre la paix, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça fait résonner en toi, cette phrase minuscule ? Alors, j'en pense que la vie nous offre toujours des occasions de s'essayer à mieux communiquer avec les autres. Et justement, quand on n'y arrive pas, bah plutôt que de se flageller et on peut se foutre la paix en se disant, bah, de toute façon... des conflits, j'en vivrai plein d'autres. Donc c'est génial, j'aurai plein d'occasions de réexpérimenter tout ça. Et on peut aussi dire qu'il y aura plein d'autres occasions pour réussir à communiquer. Voilà, exactement. Les contraintes que l'on a en nous doivent à un moment se lâcher. C'est ça. Pour nous mettre en paix. C'est ça. Et je ne sais pas quel est le meilleur moyen. Mais... Non, moi non plus, je ne sais pas. Moi, je voulais... ce que je voulais juste rebondir sur le mot colère. Plusieurs fois, on m'a expliqué la colère et la tristesse sont vraiment liées aussi. Quelqu'un qui est en colère, c'est une expression d'une tristesse non exprimée. Oui. Et ça m'avait un moment interpellé cette... Ouais. Mais par rapport à se foutre la paix, ça c'est intéressant. Oui, c'est l'expression l'expression de nos émotions, on n'est pas habitué, on ne nous a pas appris ça, et peut-être que se foutre la paix, mais pouvoir aussi l'exprimer, ça peut être différents modes d'expression, mais se foutre la paix dans le sens, bah, oui, je suis en colère, bah, tiens, je vais trouver les modes d'expression qui permettent de libérer pour se foutre la paix autrement peut-être. Bon, bien. Juste un mot, la façon de se faire la paix avec soi, c'est surtout de n'être moins soi, d'être tout. Et de, par exemple, de se partir en vacances de soi-même par la méditation, de temps en temps. Voilà. Ah, intéressant. Voilà, vous auriez quelque chose à rajouter, Pascal. En prolongement de ce que disait Mélanie, en fait, il faut accepter que ce ne soit pas linéaire, qu'on ait des émotions, qu'on traverse aussi des périodes plus ou moins difficiles, et aussi qu'on ait des colères et derrière qu'il y ait des tristesses et qui amènent aussi du coup en prolongement la paix. Bon, voilà, nous ne sommes que des êtres humains imparfaits et qu'on doit accepter ce qui se présente à nous, et c'est justement en acceptant ce qui se présente à nous, en y faisant face, en se respectant soi-même, même avec des colères, etc., qu'on arrive à la paix, quoi, en fait, hein, à une forme de paix, hein. Je pense. Oui, pour rebondir sur ce que dit Vincent, moi ça me parle beaucoup, et c'est vrai que parmi les moyens, la méditation permet de se mettre au repos de soi, je trouve, beaucoup. Et moi quand j'arrive pas bien à lâcher prise et à me foutre la paix, je me rappelle aussi que je suis vraiment pas grand chose ici-bas, et que peut-être éventuellement c'est pas que moi qui fais. Alors à ce moment-là, j'abandonne à la vie, j'abandonne au principe supérieur, j'abandonne à l'énergie universelle. Et parfois, ça met en vacances, ouais, donc ça peut être aussi un moyen. Se mettre l'esprit en vacances, très belle conclusion. Bravo, merci beaucoup. Nous allons écouter Sylvie Leguet avec une chanson. Une chanson qui s'appelle « D'or », c'est une chanson d'amour, c'est global et comme ça, c'est une chanson d'amour. Qui parle aussi de comment à un moment donné, on doit faire des coupes dans nos vies, peut-être pour penser à nous et être dans l'amour de l'autre. Dans l'amour et dans la bienveillance, voilà. Certainement, ouais. Oui. Peut-être le canapé, il va casser, en fait. Illustrera bien le débat qu'on vient d'avoir sur la bienveillance sur soi. Dors, mon bébé, dors. La vie te mènera où tu voudras. Il te faudra pour ça aimer, il te faudra pour ça aimer. Dors, mon amour, dors. La vie nous mènera où l'on voudra. Dors, mon amour, dors. même si nos deux vies doivent se continuer, même si nos deux routes doivent se séparer, même si nos deux corps ne doivent jamais s'oublier, même si nos deux corps ne doivent jamais s'oublier. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont amené des textes. Alors, on va entendre Sylvie Krauss qui va nous lire un tout petit texte. Elle m'a bien dit un tout petit texte. Hein. Je l'introduis juste. C'est que bah, j'ai quand même fouiné l'étymologie, un peu ce que tu as résumé. Beaucoup de synonymes. Et après, j'aime beaucoup l'acrostiche. Alors, je ne sais plus si on dit un oui. ou une. Un acrostiche. On écrit le mot à la verticale et avec la première lettre, donc bienveillance. Alors, bienveillance, infinie bonté, engagement envers autrui, neutralité dans le jugement, valeur essentielle, effet de confiance, instant de présence, limite avec gentillesse, lumière d'une veilleuse, abondance de synonymes, né du latin benevolentia, ouais. Compréhension réciproque, état de complaisance. Merci. Nous allons entendre Vincent Descombis qui prépare ses petits papiers. Bien veille, tourne veille sur l'axe des rotations où les dieux, yeux, veille, réveil, bienséance, résilience de l'immense pour délier les méfiances. Confiance, annonce de ce Graal des flots heureux qui déverse sur nos têtes les fêtes. Bienveillance, balbutiance, science de l'infini, le savoir pour avoir la porte des étoiles, oui, enfin, leurs confins, allô, allô, allô les étoiles. Où êtes-vous un matelas qui matait là de la lumière inépuisable? C'est cela, la bienveillance, l'atout vibrant, c'est notre sens de toujours danse, danse, danse et liance. Les fées et fées des fêtes nées parcourent rondes les espaces et les sourires où mort s'efface, enlève dans ce vivabre la tristesse au regard. Regard de feu, l'onde se meut. Sur les rivages des consciences, le chant émeut les bœufs du char, qui du soleil erre, tire et part comme flèche d'or éternelle, attire vie, attire d'elle, belles les flammes du présent, les absolus chants qui se déroulent sur les champs de l'humaine faste élégance. Et les rires des en millions se déroulent en incessant te volutes qui percutent de l'amour en source à foison. Il est né le divin enfant de l'espérance, bienveillance, la poussière de toute peine qui éparpillée du cosmos au cosmos, éclate, booste. Et Janus, le rusé à deux têtes, la ruse à deux têtes, janvier, janvier, la source des dieux, Estrambord illumine, et c'est la mine inépuisable. Chatouillez-moi, anges ineffables, qui, à galop de vastes fables, parcourent les temps incités. Ainsi fait, ainsi font les petites devinettes que les dieux en clarinette, charmille, symphonie inaltérée. Un jour le prince viendra, un jour, le jour, toujours. C'est l'ariance, magnificence des contes là-dessus qui toujours su propulse de l'azur en myriade. Sian vengu, tout est ainsi, père espera rustido, sian vengu, tout est ainsi, anera betelin. Et les rois, les trois là, soleil, ressuscités depuis Saint-Nicolas, reviennent d'Orient et flots de cadeaux allumés. Et les âges meurtris se démeurtrissent, enfin les morts debout, les moments dépressifs se virevoltent, vins et vins de vignes belles, pressés à l'abondance. Rien ne saurait manquer où ils nous conduisent. Petit Papa Noël, qui est descendu du ciel, c'était Jupiter, Odin ou quelque figure qui vient pour instaurer l'âge céleste à notre terre et faire lester tous nos instants, tous nos vécus, à coups de pied, dans nos huttes. Do majeur, Do mineur, Bach et consort, Mozart, Mozzarella et bien d'autres au-delà, inconnus ou connus, des génies infinis. Sur la ligne de bienveillance et l'invincible concordance des soleils de toute beauté. Car tu es mon berger au soleil, rien ne saurait manquer où tu nous conduis. Nous allons écouter une chanson de Sylvie Leguet. Je vais essayer de la faire, c'est un essai. Cette chanson, elle parle de quoi alors? Ah là là, alors cette chanson, elle parle de reconstruction ou pas après la perte de quelqu'un. Donc on parle encore une fois aussi de résilience et de comment on peut être dans l'acceptation de ce que la vie nous amène et se reconstruire ou pas en fait. Voilà. C'est bien, merci. Des mois d'indifférence. Nous avons fêté ensemble cette nouvelle rencontre. Et j'ai bu tes paroles, aimé tes caresses, j'ai mangé tes regards et j'ai cru tes promesses, ta douceur, ton amour, tu m'avais envoûté. Ta folie et tes rêves, j'en avais fait les miens. Comme la mer lasse le soleil, il a peiné. Merci beaucoup à Sylvie, parce que je le redis à chaque fois, mais une voix aussi belle que ça, on ne peut quand même pas être indifférent, vraiment. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais quand on le vit comme ça en acoustique, c'est quelque chose de fabuleux. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Voilà. Je vous remercie tous pour votre présence et votre participation. Chaleureuse et agréable, et vos différents points de vue et facettes sur la bienveillance que je crois nous ne regarderons plus jamais de la même façon. Merci à vous. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. En vous souhaitant une bonne fin de soirée et en vous souhaitant encore tous nos meilleurs vœux pour 2023 avec bienveillance, nous terminons avec le jingle de notre pianiste Auriel, le bal de la mazurka. Thank you.